Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Alléluia! Tango e belemi, ilembo nyonso e monani, kalate suka ya mokili, le nyonso awa na se suki, maho, ma, oh, oh, oh, yawe papa, mungu na tondi na nkanda, lokola ntambo akongoloma, solo alingi le koboma. O panza pe koyiba, bon tango na ye tikali moke. Yonza me la buya, ozali si ya likolo na se. Yonza me la bika mo, mokile si mami na mapoko na yo. Mbobele yo, bongi nango. Na bonzeli yonkolo Muyana yo etondi singai Na tele mingui na bangate yawe Bokondina yo tika ete eya Ale